France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 187. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 10 janvier 2010, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout, cette semaine, tu es très impressionné par l'ampleur légitime des réactions après la disparition de Philippe Séguin. Et pourtant, nulle part, nous n'avons entendu la principale endeuillée. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se tourna et lui dit dans son patois « Écoutez, monsieur Séguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la montagne. » Oh mon Dieu! Elle aussi, cria monsieur Séguin, stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre, « Comme en Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit « Oui, monsieur Séguin. » Oui, ce matin, l'ami, je te tiens par la barbichette. Ainsi, le Mangin Palace te propose bien sûr d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités, manipulé par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien durant lequel nous croiserons ce matin la matrice du nouvel an économique, puis le microprocesseur de la fraternité et le logiciel de la social-démocratie. Dans la foulée, nous tenterons de comprendre l'embarras de Madame Roselyne Bachelot devant ses kilotonnes de vaccins en trop. Ensuite, nous déambulerons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA où nos joyeux fantômes radiophoniques se sont dépêchés d'arpenter les couloirs de l'AFP mercredi dernier avant que cette agence ne change de statut. Une étrange visite que nous suivrons ici avec beaucoup d'attention. Immédiatement après, nous découvrirons comment Monique et Jean-Claude se sont mis en tête de monter une curieuse comédie musicale avec quelques villageois de Gros-Boule-les-Bains. Et puis, nous enchaînerons bien sûr avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons la définition d'un effroyable vocable, la terreur. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte sévèrement le son et mouline de la galette. Your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Oh, oh, I heard through the grapevine, not much longer would you be mine. Oh, oh, I heard through the grapevine. Oh, I much longer would you be my baby? How much longer would you be my baby? Magnifique Kaiser Chiefs, en mode reprise pour ce standard intitulé « I heard it through the grapevine », une expression que l'on peut traduire, selon le dictionnaire, par « je l'ai appris par le téléphone arabe ». Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli, enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà, un million? Ah, c'est bien, oui, merci. Eh bien, à 11h11, afin d'ouvrir sous les cloches ce 187e épisode du Mangin Palace, et pour amorcer ensemble nos modestes péripéties laïques, il est temps de te vautrer confortablement, puisqu'il est l'heure de notre petite session freudienne, transformée ce matin par Monsieur Divan Beaujelet en un véritable computer dans lequel tu découvriras la matrice du nouvel an économique, mais aussi le microprocesseur de la fraternité, sans oublier le logiciel de la social-démocratie. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Zoltan ! Peut-être un premier commentaire, une première impression d'ensemble sur cette prestation. Nicolas Sarkozy vous a-t-il paru convaincant ? Je m'excuse, j'écoutais pas. À 2 mois des régionales, Nicolas Sarkozy a également vanté aujourd'hui les mérites de sa politique économique. Excusez-moi, mais là, il y a de la relance sur le déjà-vu quand même. C'était à la mi-journée, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, le chef de l'État présentait ses vœux aux forces économiques et... Doucement, je veux pas suivre. Avec un passage remarqué sur les valeurs du travail et de la famille. Non mais tu trouves pas que ton cynisme dépasse les bornes ? Notre invité ce soir est Jean-François Copé. Qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour. On a un nouveau Sarkozy qui est apparu. Quoi ? Un nouveau style présidentiel, la fraternité, le dialogue. Tu sais que j'ai beaucoup d'humour et que j'aime beaucoup plaisanter aussi. Mais il y a des moments où il faut savoir être sérieux. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? C'est pas, mais en tout cas, moi j'adhère totalement à ce message. Vous savez que c'est un message que je plaide depuis longtemps. Non, c'est pas vrai. Ok, mais j'allais le faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la machine Sarkozy serait un peu en panne à mi-mandat ? C'est un peu un syndrome qui touche pas mal de présidents, ça. Je vois bien, ouais. Je vois bien autour de quoi vous voulez tourner. Était encore au-dessous de la vérité. Mais je vais vous dire, y a des bons marqueurs pour ça. C'est les élections. Mais oui, mais oui. Je dis, nous sommes en campagne électorale, nous allons avoir un rendez-vous électoral, ce sera l'occasion de parler avec les Français. Qu'est-ce que tu me veux encore, toi ? De voir ce qu'ils pensent, sur tous ces sujets. Je déteste qu'on se foute de moi. L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est l'invité de France Inter. D'où sors-tu, toi ? Vous dites que tous les gouvernements aujourd'hui, y compris de droite, donc, appliquent ce qu'est ce logiciel de la social-démocratie qui se porte donc très bien. Mais bien sûr, il puise dans le logiciel de la social-démocratie, au moins rhétoriquement, parce que quand on regarde la pratique des politiques, y compris en France, ce n'est pas du tout une politique social-démocrate. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire une politique qui, à la fois, régule, mais aussi fait sa part aux salariés face au capital dans la distribution du revenu national. Bravo, voilà le genre d'attitude que j'admire. Mais quel est le logiciel qui explose aujourd'hui ? C'est l'illogiciel du libéralisme économique. C'est affreux, n'est-ce pas ? L'idée qu'il faut déréguler l'économie, déréglementer les relations sociales, qu'il faut peser sur les salaires pour dégager des profits de plus en plus élevés, c'est ça. Tu vois ce qu'il faut faire ? Oui, c'est comme si c'était fait. Fiasco, échec scandaleux, faute stratégique lourde, c'est une véritable nuée de critiques essentiellement venue de la gauche qui a continué à s'abattre aujourd'hui sur le gouvernement pour mettre en cause sa gestion de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Il faut leur dire cette année qu'ils sont condamnés à mort. Nous y gagnerons en efficacité ce que nous perdrons en subtilité. Et ce, après l'annonce de la revente d'un certain nombre de doses dont apparemment nous n'aurons pas besoin. Il n'y a plus moyen de faire des affaires. À l'UMP, on est bien sûr monté au créneau. Frédéric Lefebvre, notamment, a dit préférer une polémique parce qu'on en fait trop qu'une polémique parce qu'on n'en fait pas assez. Notre seul dilemme est de savoir si on veut prendre d'assaut les flashs d'infos ou si on vise le prime time. Et en effet, question santé publique, il vaut évidemment mieux en faire trop que pas assez. D'ailleurs, personne ne peut honnêtement blâmer un gouvernement qui a fait provision de vaccins, de masques et de médicaments dans le but éminemment louable de sauver la vie de millions de concitoyens. Voilà, ça c'est dit. Bon, maintenant, quand on apprend que sur 94 millions de doses de vaccins commandées, seulement 5 millions ont été utilisées, on peut légitimement se poser des questions. Surtout que rien n'a été ménagé pour entretenir la trouille de la grippe A. La pandémie du siècle qu'on nous a annoncée. Mais bon, pour le moment, rien en vue. Et pourtant, malgré le matraquage des esprits, il y a des doutes. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous téléphone parce que mon gamin de 5 ans, là, refuse de se faire vacciner. Oui. Voilà, il m'a dit, papa, j'en ai marre de cette politique de la peur. Toute crise ne peut se gérer sans la confiance des citoyens et je n'ai plus confiance, papa. Ah. Ça fait flipper, hein. Je pense que mon fils va être un dictateur. Oui. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Je pense aussi. On parle pas comme ça à 5 ans. Non, non. Au revoir. Eh oui, même les mômes ont été méfiants face à la campagne de vaccination qui partait évidemment d'un bon sentiment de la part de notre ministre de la Santé, Madame Bachelot, qui aujourd'hui se retrouve bien embarrassée avec sur les bras des stocks de vaccins et de Tamiflu. Sans compter les masques. Elle en a perdu la tête, y a trop de choses accumulées. Hier, comme c'était sa fête, sa famille est venue dîner. Elle a eu un mal de chien, les produits du pharmacien sont avec ceux de l'épicier, du bazar et du charcutier. Cette brave madame du schnock-toc s'est embrouillée dans ses stock-toc. La famille a eu un choc-toc, le menu était plutôt toc-toc. Un roast beef à la vaseline, des pois à la naphtaline. Et comme liqueur digestive, un petit verre d'eau sédative. Cette brave madame du schnock-toc a fini la nuit au bloc-toc. Elle était devenue loufoque-toc. On va liquider ses stocks-toc. On va liquider ses stocks, ok. Mais ce n'est pas gagné. Parce qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, enfin, dans le seul monde qui semble important, les pays riches, quoi, on liquide aussi les stocks de vaccins contre la grippe A. Et oui, toute la sublime campagne de vaccination des masses dans les gymnases est remise en question. Tiens, on parle même d'autoriser les médecins généralistes à vacciner dans leur propre cabinet alors qu'ils le demandaient depuis si longtemps à Madame le ministre. Vous savez, Roselyne, j'en peux plus. Sans vous, je vis plus, j'en suis malade. Revenez avec moi, donnez-moi une semaine, apprenez à me connaître. Dites-moi, Roselyne, donnez-moi de l'espoir et j'arrête cette comédie. Ça fera un beau ramdam, mais je le ferai si vous me donnez de l'espoir. Mais hélas, il n'y a plus d'espoir, puisqu'on nous annonce la décrue pour la grippe A. Alors maintenant, cette terrible maladie mortelle, genre « à peine le virus y te voit, t'es mort », se révèle être a priori l'équivalent d'une bonne grippe saisonnière. Et maintenant, les pays riches se soucient des pays pauvres qui, eux, n'ont pas de stock, puisqu'ils n'ont jamais eu le pognon pour les constituer. Il est donc question de faire quelques dons de surplus via l'OMS. Mais bon, pour la gestion des stocks et pour renflouer les caisses, Roselyne a préféré consulter un spécialiste des finances, Eric Woerth. Il faut qu'on discute. Ah non, non, non, non. Je cours dans toute la ville pour payer mes factures avec du cash. Mais réfléchis, on doit en aucun cas laisser des traces de dépôt. Sur ce coup-là, tu dois me faire confiance. Il va falloir que tu vendes plus. Tu connais la règle de base en affaires. Acheter bon marché, doper les prix. Tu saisis, doper. Tu pourrais marquer ça sur tes cartes professionnelles. D'accord. Alors écoute, j'ai planché sur l'idée de monter une petite affaire. De cette façon, tu pourras réapprovisionner ton compte, payer tes factures et boum, emballé, c'est pesé. Je suis dans la merde totale. Non, surtout pas de ça, tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer avec Eric Woerth pour brader les millions de doses de vaccins que la France a sur le dos. Eh oui, Eric Il est fortiche dans ce domaine, c'est son métier. C'est pareil, c'est du domaine du possible, vous êtes un petit peu nerveuse, qu'est-ce qui se passe? Regardez le geste des râpes et hop là, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Alors on appuie fort et là, regardez bien, hop là. Tu la mets en veilleuse un peu, oui. Ah bah je fais mon boulot, ça va. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe, merci de suivre mesdames. Mais je sens parmi vous quand même qu'il y a des sceptiques. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un vrai jaune d'œuf. Décidément, regardez bien, c'est vraiment la caca, la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, merci mesdames. Et moi je dis non, parce que j'ai mon détache-tout. Et le détache-tout est extraordinaire. Je vais frotter la tâche, et vous frottez, et regardez bien. Je frotte la tâche, comme ceci, et sous vos yeux ébahis, mesdames, regardez bien, la tâche meurt, la tâche succombe, la tâche trépasse, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le... miracle. C'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames. C'est le mimi, c'est le miracle. Ouais, enfin bon, surtout pour les laboratoires pharmaceutiques. Mais attention, bien loin de nous d'imaginer que les cris d'orfraie poussés depuis des mois pour nous foutre les jetons seraient un complot des labos pour refourguer leur camelot. Non, nous, on leur fait confiance. Jamais l'industrie pharmaceutique n'aurait osé jouer sur les peurs et jamais nos gouvernants n'auraient été trop légers. Pourtant, pour Roselyne Bachelot, la réalité n'est pas légère, car elle va devoir aller devant les journalistes pour expliquer que ces soldes de vaccins sont complètement normaux. Oui, mais aussi parce qu'il y a eu quand même un changement de mode et que beaucoup de femmes profitent des prix. Oui, mais alors sont très bons. Enfin, c'est tout de même de très bons articles soldés à deux prix très bas, donc... Mais il faut faire attention tout de même aux soldes. Pas chez nous, c'est la collection, c'est renouvelé chaque saison. Chaque saison, la grippe saisonnière se renouvelle. Là-dessus, au moins, tout le monde est d'accord. Mais hélas, pour Roselyne Bachelot, répondre aux questions ne fait que commencer. Les députés ont beaucoup à lui demander, et ils ne sont pas les seuls, et ça s'annonce compliqué. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. À Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, au micro de France Inter depuis 8h20. À mes côtés, Daniel Messager, que je salue. Et Thomas Legrand. Ça va, ça biche. Allez, première question au standard, c'est Gérard qui nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Gérard et bienvenue. J'ai pas de question, ce serait pour dire à René qu'il aille directement chez ZZ parce que comme j'ai paumé les clés du camion, je vais être emmerdé. Roselyne Bachelot vous répond. D'abord, je veux redire que le but de mon action à la tête du ministère de la Santé, c'est d'offrir partout sur le territoire des déserts médicaux. Voilà, René nous appelle de Livry-Gargan. Bonjour René, bienvenue. Ouais, oh. Est-ce que le Schmilblick est-il vert? Merci René pour cette question. Nous gérons cette affaire, ces affaires au cas par cas, dans un souci constant de qualité des soins. Nous sommes en toute première priorité sur ces questions. On passe au standard. Maïté nous appelle de Bordeaux. Bonjour Maïté, bienvenue. Moi Maïté, je suis une dire à cuire. Sur la qualité, on ne la fait pas. Alors je compare, je tâte. Fameux, hein? Oh, mais dites donc, mais il n'y a pas écrit Bécasse ici. Merci Maïté pour cette question, Roselyne Bachelot. Je trouve votre propos, je vais vous le dire, inadmissible, parce que je défends les valeurs et les valeurs de l'hôpital public dans une optique de qualité des soins. Il ne nous reste plus qu'à annuler leur présentation et à rembourser tout le monde. Oh eh oui, en France, la qualité des soins est poussée à l'extrême pour la grippe A. Alors bien sûr, les optimistes et les hypochondriaques diront... mieux vaut prévoir trop que pas assez. Les paranoïaques et les méfiants vont s'écrier que tout ça, c'est un coup monté pour enrichir les labos pharmaceutiques. Et les fatalistes, attentifs tout de même aux explications qui seront données sur cette affaire, imaginent très bien la suite de l'aventure. Après le succès de la grippe porcine sur toutes nos chaînes, découvrez bientôt le rhume du mouton. Mais aussi la toux du perroquet. Le nez qui coule de la marmotte. Et la terrifiante conjonctivite de l'éléphant. So échapper. S'arrêter si l'on nageait sans respirer, rond de l'air cet été, tout le monde cherche à s'échapper. Help myself, c'est ce que pense cet hiver Gaëtan Roussel. Autrement dit, chacun se défend comme il peut, surtout pendant les soldes. Est-ce que les hommes sont attirés comme les femmes par les soldes ? Peut-être plus encore, parce que les hommes n'ont pas le temps de faire ce shopping permanent que la femme ne cesse, heureusement pour nous d'ailleurs, ne cesse de faire ce lèche-carreau, ce lèche-vitrine. Alors maintenant, à 11h27, il est l'heure, bien sûr, d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, connais-tu la véritable mission de l'AFP ? Eh bien, c'est de rechercher, tant en France qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et honnête et de les mettre ensuite à la disposition des usagers. Le statut particulier de l'agence France Presse fut créé par la loi du 10 janvier 1957, votée à l'unanimité par le Parlement sous l'impulsion de Jean Marin, le président de l'AFP, de 1954 à 1975. Et l'article 2 de cette loi assure que l'AFP, organisme autonome, ne doit en aucune circonstance passer sous le contrôle total d'un groupement idéologique, politique ou économique. Or, le patron actuel voudrait changer la donne et que l'État détienne à l'avenir 100% du capital. Certains redoutent évidemment une mainmise du gouvernement sur l'AFP et, à terme, une privatisation. Ainsi, à l'heure où les salariés vont être consultés sur cet étrange changement de statut, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont hâtés mercredi dernier d'arpenter les couloirs de l'AFP. Écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, Alina, nous étions en état d'alerte, car nous avions lu dans la presse que les soldes venaient de commencer. Alors, mercredi soir, nous nous sommes précipités à l'AFP, où il y avait toutes sortes de promotions spéciales. Quand une information tombe sur le téléscripteur, comment cela se passe dans la rédaction ? Le desk central la reçoit et, si elle lui paraît extrêmement importante, il alerte immédiatement les autres desks par haut-parleur. Attention deuxième étage, nous attirons votre attention sur l'urgent de Munich annonçant la mort de Cicéron, l'espion du siècle. Au rayon literie, nous sommes tombés sur Jean Marin. Est-ce à dire que le lit de l'agence France Presse soit un lit de rose et que sa marche en avant ne rencontre jamais les pierres du chemin. Vous tous qui êtes ici présents connaissez trop nos besoins, nos problèmes et nos difficultés pour le croire à propos d'une maison dont les tâches ne voient jamais sur elle se coucher le soleil. Au troisième étage, il y a un self-service où le client fabrique lui-même l'information qu'il veut entendre. Deuxième information, une affaire peu banale survenue la nuit dernière au siège de l'agence France Presse à Paris. Un commando d'Action Directe a fait irruption dans les locaux de l'AFP. Il a demandé la publication d'un communiqué en faveur des détenus qui font la grève de la faim pour obtenir l'amnistie. Et en profitant de la confusion, une des militantes d'Action Directe a tapé sur la La console électronique de l'agence, une espèce de machine à écrire, elle a tapé une dépêche qui est effectivement tombée sur les téléscripteurs et qui annonçait la mort d'un des grévistes de la faim. Fausse information que l'AFP a dû ensuite démentir, mais qui montre que le commando était quand même bien organisé, bien renseigné et qu'il connaissait toutes les ficelles du métier. Et en plus, on peut aussi commander par téléphone, partout dans le monde. Allô ? Vous m'entendez ? C'est oui. Dodi de Belgrade. Ah bonjour Dodi, vous avez quelque chose à nous donner ? J'ai un petit papier pour vous. Alors, ne quittez pas, rappelez une Steno. Merci. Allô, bonjour Steno, je vous écoute. Allô Steno, ici Dodi de Belgrade. Oui. Oui, je vous écoute. Au service livraison, ils nous ont épatés. Une minute, montre en main. Garantie ou remboursée. C'est absolument certain, incontestable et incontesté. Ça a été, je puis le dire, le plus grand succès de l'AFP depuis la libération que nous avons gagné sur la mort de Staline une minute sur n'importe quelle autre agence étrangère. Non pas à Paris, je précise bien, mais dans le monde. À New York, par exemple. C'est-à-dire que le monde américain, c'est-à-dire 180 millions d'auditeurs, je ne sais combien il y a de postes de radio, a appris la mort de Staline par une agence française. C'est, je crois, le plus grand succès qu'une agence internationale ait jamais enregistré sur une nouvelle mondiale, et je puis dire la nouvelle du siècle. Bon, évidemment, la qualité, c'est pas donné. Alors on a décidé de se cotiser, pour s'en acheter une moitié. Lorsque nous aurons fait voter ce statut, un problème se posera pour l'agence française de presse, c'est le problème du financement. C'est un problème difficile, car il me semble évident que les ressources qui proviennent simplement de la vente des informations au secteur privé sont insuffisantes pour faire vivre l'AFP, une AFP vraiment digne de ce nom. Il faudra donc envisager une autre formule qui apportera un complément de financement. Et ce complément de financement, il faut l'envisager par l'établissement d'une convention d'abonnement des services publics. On a bien fait de se dépêcher, parce qu'à la fin, il ne restait plus rien, à part quelques informations ramollies dont personne ne voulait. Bonne nouvelle pour commencer. On nous signale à l'instant que les troupeaux d'iguanes verts à poils longs qui s'ébattent dans la Seine aux abords de la centrale de Nogent sont inoffensifs. Alors, Nogent-sur-Seine égale Tchernobyl ? Sûrement pas, déclare l'EDF. C'est pas demain que Nogent votera communiste. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir organisé pour nous cette subtile pêche aux dépêches. Mais dépêchons-nous maintenant de rejoindre nos contrées lointaines, puisqu'il est l'heure de revenir à nos actualités locales et foutraques. Voici notre décrochage régional, direction Gros Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Oui, c'est toujours comme ça à Gros Boule-les-Bains. Ça commence assez classe, mais très vite, ça part en sucette. Et à 11h33, il est grand temps de retrouver nos deux ravis de la crèche, Monique et Jean-Claude, bien sûr, qui n'ont plus qu'une seule idée en tête depuis quelques jours, être au point pour la première représentation de la comédie musicale qu'ils sont en train de préparer depuis Noël. Mais alors, que s'est-il passé ? Eh bien, la veille du 24 décembre, en tant que président du comité des fêtes, Jean-Claude est allé rendre visite à Michel, le nouveau directeur du théâtre municipal de Gros Boule, qui semble rencontrer quelques difficultés à trouver ses marques après un passage à vide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais depuis que les autres m'ont viré comme vraiment des dégueulasses, il fallait bien faire quelque chose. Alors bon, bah, j'ai choisi la culture, c'est le plus simple. D'ailleurs ici, ça va bien. La municipalité me fout de la paix. C'est vrai, tant qu'il n'y a pas les élections, ils me foutent la paix, je suis tranquille. Seulement, moi, je prends bite sur bite. Hein. Tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses ici ? Je sais pas. Jésus. Quoi, Jésus ? Tu blagues ? Non, maintenant, Jésus, tu l'as le matin dans ton café crème, le soir dans ton whisky. Les gens aiment Jésus, il faut leur vendre du Jésus. Bah d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je monte ? Je vais pas monter les 10 commandements. Non, mais tu fais une pièce moderne, hein, Jésus, super quelque chose. Bah mais il faut l'avoir, la pièce, hein, Jésus. J'ai de la ferme. Et voilà comment notre Jean-Claude s'est donc lancé dans l'écriture d'une comédie musicale consacrée à Jésus, toujours dans l'espoir, bien sûr, de rentrer de la maille. Après tout, en tant qu'auteur, se dit-il, il touchera les droits, et en prévision des soldes, c'est une perspective réjouissante. C'est ainsi qu'il a choisi de mettre en scène un spectacle inédit, intitulé « Jésus le sombre héros » ou « Les aventures du Christ au Mexique ». Immédiatement, Jean-Claude a dégoté quelques musiciens mariachi pour mettre au point les mélodies. Mais très vite, quelle ne fut pas sa surprise ? Vous êtes les mariachi, les paros negros ? Les Mexicains, quoi. Ya. Ah, enfin, je veux dire, les Mexicains avec les moustaches et les Santiago. Ya. Mais normalement, les Mexicains, ils ont des petites ânes. Ya. Pourquoi il y a problème? Non, j'avais pas commandé ça, mais c'est pas mal du tout. Et pour l'ambiance, vous comptez mettre un peu de chaleur, quand même. Mia culpa lucha. Mia culpa lucha. Ah, voilà. Voilà. Bon. Eh bien, vaille que vaille, c'est en compagnie de ces trois mariachis de Düsseldorf que Jean-Claude a commencé à composer sa comédie musicale consacrée aux aventures de Jésus à Mexico. Dans la foulée, il a recruté une bonne vingtaine de gros boulets pour interpréter l'ensemble de ses personnages et ensuite, Monique s'est proposée de devenir la costumière des évangiles selon saint Jean-Claude. Seulement voilà, après les mariachis teutons là, c'est au tour maintenant de la comédienne qui interprète la Vierge Marie de se plaindre auprès de Jean-Claude, qu'elle prend d'ailleurs pour le curé du village, car elle voudrait une robe plus adaptée à la Vierge, au grand étonnement du Jean-Claude. Couleur de lune ? Oui, mon père. C'est-à-dire qu'il soit plus brillante et moins commune. Mais celle-ci vous va comme un gant. Je la trouve, comment dire, bien ordinaire. Je n'ai pas voulu vous déplaire. Couleur de lune, dites-vous? Oui, mon père. Couleur de lune? Que l'astre de la nuit n'ait pas plus de splendeur. Qui demande la lune à présent? Non. Jean-Claude ne demande pas tant que ça. Il aimerait juste que sa comédie musicale ne tourne pas au ridicule. Quand surgit alors un autre souci, puisque Rémi, le fiston de Monique et Jean-Claude, veut être danseur dans ce spectacle mexicano-christique. Rémi veut interpréter Jean-Baptiste, un homme grenouille du Rio Grande. Mais cette idée n'emballe pas vraiment Jean-Claude. Alors tu veux faire danseur? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur? C'est parfaitement normal. C'est normal pour les filles. Les garçons font du football ou de la boxe ou du catch. Mais ils veulent pas devenir danseurs de ballet. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois pas ce que tu reproches à la danse. Tu sais parfaitement ce que je lui reproche. Non, je le sais pas. Oh, si, tu le sais. Non, je le sais pas. Si, tu le sais très bien, nom de Dieu. C'est pas que des tapettes, tu sais, papa. Il y a des danseurs de ballet aussi musclés que des athlètes. Écoute, fiston, à partir de maintenant, tu oublies tes rêves de danseur de ballet et tu oublies la boxe par la même occasion. Non, à partir de maintenant, tu restes ici et tu veux bien la fermer! Oui, parfois, il est sacrément con, ce Jean-Claude. D'autant qu'il a carrément interdit à Rémi de venir assister aux répétitions que Jean-Claude dirige désormais en totale symbiose avec sa troupe de danseuses. Oui, mais c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gnagnagnas, là. Hein. Bon, écoutez, pendant qu'on est chaud, d'accord. Allez, hop, on prend le tout. Hop, allez, 5, 6, 7. Ça, c'était bien. C'était très bien. Vous n'êtes pas fatigué, pas trop? Bon, on va se reposer un peu. Bon, allez, hop, debout, on reprend tout dès le début. Allez, la dernière fois, allez, hop, 5, 6, 7. Non. Comment? I said no. But why? Because I'm tired, that's why. I'm fed up, I've had it. It is not possible. It is not true. Le pauvre fatigué. It is true. I'm tired and I want a break. Non, elle ne veut pas une grosse bagnole, Chloé. Cette danseuse de Las Vegas au caractère bien trempé exige de faire une pause tant elle est épuisée par le rythme frénétique que lui impose son néo-metteur en scène. Sache que cette Chloé incarne Maria Magdalena. Et Jean-Claude profite de ce petit break donc pour lui répéter les indications qu'il désire afin que cette Chloé interprète mieux encore la femme du Christ. Tiens, Chloé, ne fais pas Corinne Rosan, tout ça fait chier tout le monde, d'accord? Fais un truc sexuel, d'accord? Vas-y, comme ça, d'accord? Tu vois, regarde comment t'es foutu. Donc joue de tes seins, là, t'as des gros seins, tu vois ce que je veux dire? Pardon, je peux dire que t'as des gros seins, c'est pas un drame. Tout le monde, je veux dire, non, disons ce qui est. C'est que, je veux dire, les gens diraient de toi si on n'était pas des vieux cons, on dirait putain, elle est bonne, tu vois, on dirait que t'es bonne, c'est vrai, t'es bonne. Tu vois, tu fous la gaule, tu vois. Excuse-moi, je te dis, parce que tout le monde dirait ça, elle fout la gaule. Putain, on va la pécho, je te pécho, tout le monde va la pécho, tu vois. C'est ça, on doit sentir. Tu vois, je la pécho, tu vois. Sexuel, ok? Sexuel, allez! Oui, alors là, Monique fait tout de même remarquer à Jean-Claude que sa comédie musicale devient sérieusement apocryphe. Mais c'est ça qu'il recherche. Il veut révolutionner la théâtralité des évangiles. Attends, il y a ce Frank Castorf là, à la Volksbühne de Berlin, eh ben il y aura Jean-Claude au théâtre municipal de Grosboul-les-Bains. D'ailleurs, il demande maintenant à Monique d'interpréter cette scène magnifique où il a revisité le chemin de Damas et la conversion de Saint Paul, le 13e apôtre. Mais attention, version Amérique du Sud, s'il te plaît. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des desesperados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanchette rebelle, statue de la douce, immaculée conception, je sentis la foi naître, et au fond de mon être, du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus. Monique fut très impressionnée mercredi dernier par ce tango christique mis au point par Jean-Claude. Et c'est ainsi qu'hier soir avait enfin lieu la première représentation publique de cette comédie musicale à la fois mexicaine et christique. Bien sûr, l'histoire ne débute pas à Bethléem, mais dans un petit village aztèque inventé par Jean-Claude, Jesús Mezahualpa. Pour finir, sache qu'hier soir à 20h30, devant un public nombreux, mais aussi devant toute la municipalité de Grosboul, dans un théâtre d'un silence religieux, ce formidable spectacle a commencé par ces quelques mots. Alternance de joie et de peine, d'allégresse et de contrition, marquez bien les temps, rythme cardiaque normal, c'est le premier dans ce drame mimé, dansons la Bostella. Savez-vous, voyageur, pourquoi je sors de l'ombre? Vous m'avez appelé, me voici, me voilà. Oui, vous ne m'avouiez plus, la nuit était trop sombre. C'est fini désormais, dansons la Bostella. Savez-vous dans la ville que l'ivre c'est amer? À pourquoi lui livrer nos fragiles raisons? Pourquoi refaire le monde au fond de notre verre? Magnifique Bostella. Mais bon, primo, c'est un plagiat du Jean-Claude, bien sûr, et ensuite, je ne te cache pas que cette comédie musicale dépravée n'a pas vraiment rencontré le succès attendu auprès des amateurs de théâtre à Grosboul-les-Bains hier soir. Enfin bref, nous sommes toujours en direct du Mangin Palace et à 11h43, il est temps désormais, bien sûr, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le vocable effroyable qui compte triple, c'est la terreur. Tout simplement parce qu'après le renforcement ces derniers jours des contrôles de sécurité dans les aéroports, qui vont sans doute nous conduire d'ici la fin janvier jusqu'à la mise en place de scanners corporels, notre facétieux reporter a voulu nous offrir ce matin une définition de la terreur afin de bien différencier le redoutable terrorisme d'aujourd'hui et la terreur révolutionnaire. Ainsi, par le truchement de Guillaume Mazot, maître de conférences en histoire moderne à l'Institut d'Histoire de la Révolution française, découvrons ensemble, juste après la virgule, le petit Robespierre illustré. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Quatre consonnes, trois voyelles, terreur. Alors la terreur, ça désigne habituellement une politique de répression des opposants politiques menée par l'État, politique de répression des contre-révolutionnaires, et en général, on pense qu'elle s'étale du printemps 1793 à l'été 1794. Ce soir, devant le doux théâtre, plutôt tribunal révolutionnaire d'Apostrophe, comparaîtront trois grands hommes de la Révolution et de la Terreur, Desmoulins, Saint-Just, Robespierre, plus évidemment quelques seconds couteaux. Il y aurait trois définitions de la Terreur. D'abord, une politique de répression effective. Il y a eu des centaines de milliers de personnes emprisonnées. exécutée, évidemment, et la guillotine en étant le symbole le plus criant. La France était littéralement assiégée de partout, et on ne peut pas bien comprendre l'histoire de la terreur si, à chaque instant, on n'a pas cette pensée à l'esprit. Deuxièmement, une politique des émotions, une politique de la peur, justement, qui consiste à voter des lois, terroristes pour impressionner, pour faire peur à ceux qui voudraient s'opposer à la politique du gouvernement révolutionnaire. Notre collègue Robespierre est bien subtil. Tu devrais savoir, Collot, que le ressort du gouvernement populaire est la vertu. En temps de guerre, le ressort du gouvernement populaire est par nécessité la terreur, mais toujours la vertu. Car la vertu sans la terreur est impuissante. Mais la terreur sans la vertu est funeste. Et troisièmement, il ne faut pas oublier que ça ne s'est pas limité non, quand même à une répression politique, la terreur. C'est aussi une période d'innovation sociale, c'est-à-dire c'est à cette époque-là, par exemple, que l'État a mené une politique de bienfaisance pour la première fois. C'est aussi à cette époque-là qu'il y a une politique artistique impressionnante. On décrit toujours la terreur comme une période d'anomie scientifique, artistique, ou même de destruction, hein, des œuvres d'art avec l'iconoclasme. En fait, ça a été une période aussi de création. Ça a été aussi une période de conciliation politique. Puisque beaucoup, dans la réalité hein, des pratiques, finalement, beaucoup de tribunaux, et notamment le tribunal révolutionnaire, au plus fort de la terreur, on s'aperçoit qu'il a acquitté 50% de ceux qui étaient présentés devant les juges. On est coupable contre la République quand on ne veut pas de la terreur. La terreur, émanation de la vertu. Tais-toi, citoyen Robespierre, devant la faillite de ta politique, tu ferais mieux de te jeter à l'eau. On fiche cette femme à la porte. Ce qui est intéressant dans la terreur aussi, c'est de voir comment les populations, c'est-à-dire les simples citoyens, se sont, eux, elles, appropriées des procédures démocratiques, ont résisté à la violence de l'État, et puis ont fait vivre la démocratie au ras du sol, en quelque sorte. C'est aussi ça, la terreur, et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans cette période-là. Ce qui m'ennuie, c'est de mourir 6 semaines avant Robespierre. Danton ne se trompait guère. Dans nos sociétés hyper médiatisées du début du XXIe siècle, le parallèle qui peut être intéressant avec la période de la terreur, c'est justement la conséquence du terrorisme politique, des attentats politiques sur l'opinion. Et on constate que, comme pendant la terreur, aujourd'hui, quand il y a un attentat politique, etc., qui émeut l'opinion, il est tout de suite utilisé politiquement pour restreindre les libertés, durcir la répression, inventer des ennemis. Et très franchement, aujourd'hui, on voit que le plan Vigipirate est toujours en place, et bien en place. Beaucoup de citoyens renoncent finalement à leurs libertés les plus quotidiennes au nom de la lutte contre le terrorisme. Et pendant la terreur, période marquée par beaucoup d'attentats politiques, par beaucoup de violences politiques, on constate que beaucoup d'événements comme ça ont justifié une politique répressive de plus en plus forte. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Vois-tu, lors de son inique procès devant le tribunal révolutionnaire, victime de la terreur, Danton dépité déclara « La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants ». Et Danton fut ainsi décapité le 5 avril 1794. À peine quelques semaines plus tard, ce fut au tour de Robespierre de prendre l'ascenseur pour l'échafaud et sa mort mit un terme à cette effroyable terreur. Ce fut le 9 Thermidor, autrement dit le 27 juillet, un nombre pas comme les autres. Attention, le nombre 27 n'est pas un nombre tout à fait comme les autres. Certes, il est supérieur à tous les nombres de 0 à 26, mais, car il y a un mais, il est inférieur à tous les autres. Pourtant, ce qu'on a appelé la malédiction du 27 peut aisément être conjuré. Il suffit pour cela de multiplier 27 par 116, qui est le point d'ébullition de la naphtaline, et d'élever ce premier résultat à la puissance 17, qui est le prix en dinars d'un lot de 11 jolies boules de naphtaline. Pour peu que personne ne vous ait vu faire les opérations susmentionnées, un rideau de douche autour de votre table de travail, par exemple, fera très bien l'affaire. Tout le monde croira que la performance de ce nombre est celle du 27. Et la malédiction n'a plus qu'à se retirer sous les huées d'un peuple en furie, rassemblé à la hâte sur la grande place de Strasbourg, mêlé en une foule compacte et bigarrée, au sein de laquelle quelques opportunistes profitant de l'aubaine tirent les poils des fesses des femmes mariées. Bonsoir. Suivez le veuf. Suivez le veuf. Quelle Mais cet homme sombre qui titube dans l'ombre se cogne dans les murs et va de porte en porte. C'est un veuf dont la femme est morte. Il a, c'est la coutume, fait teindre son costume. Puis il s'est dit à mon tour de me noircir, je veux enterrer ma vie de martyr. Suivez le veuf, il y a deux jours que la défunte doucement s'est éteinte. Elle est dans la tombe et ne reviendra plus. Le veuf a dû faire une croix dessus. Pour cet anniversaire, le veuf se tape des bières. Depuis que sa femme a rejoint les ténèbres, le veuf fait la bombe funèbre. Suivez le veuf, suivez le veuf. Cher, très attristé, je vous présente mes condoléances. Merci, oh merci. Sincère condoléance. Oh merci, sincèrement merci. Elle est partie en pleine santé. Suivez le veuf, suivez le veuf. Le veuf chante à tue-tête, je suis veuf, c'est la fête. À moi le bistrot, le pastis, le billard, toujours billard, encore billard. De son époux modèle, ponctuel, sobre et fidèle, qu'elle faisait marcher au doigt et à l'œil, ma femme et peut en faire son deuil. Suivez le veuf, ma femme est morte. Donnez-moi donc un petit coup de rouge. Suivez le veuf, c'est ce que nous recommandait en 1960 l'inénarrable 11 Lagures Pompeur Nickel, alias Jean-Yann, un vrai conseil d'huissier. Ah, au fait, qu'est-ce que je fais dans l'affaire de Madame Rossi? Faites-la saisir. Mais elle est morte? Vraiment, tous les moyens leur sont bons pour pas payer. Faites saisir les héritiers. Ah bon? Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien Philippe, ce matin, je vous propose un bulletin nécrologique, puisque la presse cette semaine a été très touchée par ceux qui partent, et aussi ceux qui restent, hein. En suivant ce qu'Henri de Monterland faisait dire au ministre Coelho dans La Reine Morte, ce qui est effrayant dans la mort de l'être cher, ce n'est pas sa mort. C'est comme on en est consolé. Eh bien, c'est sans doute ce qu'ont pensé les membres d'une famille éplorée du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, dont nous parle le Albuquerque Journal. Une grand-mère est décédée suite à un accident de voiture. Après l'incinération du corps, la société de pompes funèbres a fait parvenir à la famille un sac contenant les affaires de la défunte. Bon, alors tout de suite, la Smala s'est dit « y a malaise ». Ça fouette dans le sac de mémé. Alors, bon, bah, écoutez, en effet, parmi les effets personnels rendus par les pompes funèbres, il y avait un sachet sur lequel était inscrit le mot « cerveau ». Et oui, c'était bien le cerveau de mémé dans le sac. Une petite erreur des pompes funèbres. C'est... Oh, excusez-moi, Philippe, j'entends un auditeur qui vient de dire à côté de son transistor que ce jour-là, tel Jean-Pierre Pernaud, Saint-Pierre a accueilli un client atrophié du bulbe. Oh non, oh, c'est gore comme histoire, Philippe. Mais alors, je vous rassure, en revanche, tout s'est très bien passé pour les obsèques de Félix Maximilien Rostin, le doyen des Français décédé le 31 décembre dernier à l'âge de 109 ans. Pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais. Dieu l'a rappelé près de lui. Voilà, bon, tout pareil pour Henri Castier, décédé lundi dernier, quelques jours avant de fêter ses 87 ans. C'est La Voix du Nord qui nous apprend la pénible nouvelle, avec ce titre qui m'a intrigué. Le champion des piégeurs de Ramusquet est décédé. Voilà. Alors, je vous explique un peu, hein. Henri Castier, ancien garde-chasse, s'adonnait pendant sa retraite au doux loisir de piégeurs de Ramusquet. Et ces bestioles-là qui font des ravages dans le marais, au Domarois, entre Nord et Pas-de-Calais. Et c'est gros, hein, Ramusquet, non? Oh oui. C'est très gros. Hein. Et alors, l'article nous dit, tous les jours, par tous les temps, il allait relever ses nombreux pièges. En 2003, il était parvenu à capturer 1120 rats. Waouh, bravo champion. Non, c'est énorme. Hein. Chaque drap rapportait à Henri une petite compensation financière, voilà. Pourquoi? Ben, parce que ce sont des nuisibles, hein, ah, donc voilà, il rapporte les queues et tout, on lui donne un peu d'argent. Alors en 2006, le journaliste l'avait déjà suivi dans une de ses tournées quotidiennes et Henri lui avait déclaré « Bon, c'est pas rentable, mais ça s'appelle les Gauloises ». Bon, bah, c'est beau, hein, voilà, le champion des rats musqués est au paradis. Voilà. Bon, toujours pour compléter notre petit carnet nécrologique, Philippe, c'est en lisant la revue Napoléon III, le magazine du Second Empire, que j'ai appris la mort de Kiki. Ah, c'est Kiki. Eh bien, Kiki, c'est un mâle. Plus précisément, c'est une tortue géante des Seychelles, celle de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Oui. Et alors, pourquoi la revue Napoléon III en parle ? Eh ben, oui. Vous l'avez compris, tout simplement parce que Kiki était née en 1863. Oh, j'y croyais pas, c'est incroyable. Eh ouais, sous le Second Empire, et elle s'est éteinte le 30 novembre dernier, dingue, à l'âge de 146 ans. Elle en a vu des trucs. 100 hein. Combien ? 146. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Bon, alors moi, je me suis précipité évidemment sur le site internet du Muséum d'Histoire Naturelle, hein, parce que je voulais voir un peu la notice nécro, là. Bon, Kiki, en fait, était le véritable doyen des Français. Bah oui. Et elle était arrivée à Paris en 1923 et hop, hop, hop, Philippe, une remarque d'un auditeur. C'est Eric qui vient de murmurer dans sa cuisine française. Toh, je te l'aurais renvoyé dans son île, cette bestiole, moi. Voilà, bon, écoutez Philippe, soyons certains que Dieu, dans sa sagesse, a appelé Kiki auprès de lui. Avec Riton, le champion des rats musqués et la grand-mère écervelée du Nouveau-Mexique. Bon, en revanche, nous l'avons tous constaté ces dernières semaines, Dieu n'a pas voulu s'encombrer de quelques individus. Bon, tout compte fait, c'est tant mieux. Hein. Berlusconi, oui. Hein, sauvé de justesse. Benoît XVI, hein, oui, tout là, en rigidité oh, ça, hein, pour un terrible. Improbable c'était plat ventre. On risque d'avoir des problèmes, mais c'était quand même bizarre cette vidéo. Ouais, hein. Ouais, mais, boum, comme très, ça. Très quoi. Drôle. Bon, et puis, alors, Elias. Non, c'est pas drôle. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon, il a rien, pas de bobo, c'est le principal. Et c'est puis, pour ça que je dis ça. Voilà. Il y a surtout cette information que nous rapportait Le Parisien en début de semaine. Lors de la coulée de boue qui a fait des dizaines de morts là, près de Rio de Janeiro au Brésil, il y a eu, écoutez, je crois qu'on peut le dire, utilisons ce mot trop souvent galvaudé, un miraculé. Pierre Sarkozy, le fils de... Ah oui. Eh oui, qui a survécu au désastre. Hein. Il se trouvait dans une maison divinement épargnée, tandis que la boue rasait les autres habitations et faisait des victimes partout. Bon, écoutez, Philippe, perso, hein, moi je pense qu'il y a eu intervention divine. Attends, qu'on se comprenne bien, c'est... Pas un coup de fil, c'est pas un piston du daron. Hein. Non, non, c'est une vraie intervention divine. C'est Dieu. Dieu, il s'est dit, oh là là, le fils Sarko, oh, je vais avoir le père sur le dos. Oh, non, pas possible. Hé, hey, Saint-Pierre, vas-y, fais un miracle. Voilà. Non, mais non, c'était horrible, il aurait pas pu. Voilà, bon, une revue de presse il un peu... Il aurait demandé la place de Saint-Pierre, sans doute. Ah, c'est clair. Oui. Bon, il a fait des études et tout. Une revue de presse un peu morbide, Philippe. Oui, ah, mais oui. Bon, la mort fait partie de la vie, d'autant que jeudi, le bulletin de l'Institut de veille sanitaire a annoncé que le nombre de morts de la grippe A depuis le début de l'épidémie s'élève à 233 en métropole. Voilà, alors fermons cette petite rubrique par ce courrier des lecteurs de Télérama. C'est Isabelle qui s'étonne. 338 personnes dites sans domicile fixe sont décédées depuis début 2009. À Caen, une vaccination massive contre le chômage, la précarité et la pauvreté. Et effectivement, hein, Isabelle, ce qui est effrayant dans la mort de l'être cher, tout comme dans celle d'un SDF, ce n'est pas sa mort, c'est comme on en est consolé. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 187e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, Monsieur Xavier. Aux platines et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Bochelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au documentaliste de Lina et à Lucie Lera, notre nouvelle stagiaire. Voilà, la journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Prenez soin de vous, on se retrouve dès le week-end prochain, mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.